Attends, j'ai peut-être quelque chose pour toi. Non, non, après tout, il n'y a rien. Et rentre à la maison, Chauvard. Et repends-toi. T'en reviens pas. Hein, que je t'ai pas livré. Mais cette brute de policier, ça me ferait mal de lui livrer même une punaise. Ils sont à tes trousses, ça joue plutôt en ta faveur, mais peut-être qu'ils se trompent sur ton compte. Comment savoir? En un mot, moi, je me méfie de toi. Ainsi, à cela que Naofi Mandian en a pris pour la nuit, il a appris que c'était le grand-duc lui-même, l'étrangleur. Il eut honte, se dénonça, ordonna aux policiers. Conduis-moi au tribunal à Luca pour y être jugé. Ah, j'ai favorisé la fuite du grand-duc, le grand voleur, le grand étrangleur. Soyez inflexibles, condamnez-moi en audience publique au nom de la justice. Drôle d'oiseau. Qui est-ce? C'est Hatzdak, notre écrivain public. Non, je suis l'abominable. Le chuta, l'ignominieux, le maudit. Bon, ben, fais ton rapport, Pieplard. Dis-leur comment j'ai exigé d'être conduit enchaîné à Nuka pour avoir, par mes gardes, hébergé le grand-duc, alias la grande fripouille. Comme je l'ai découvert après coup, grâce à ce document que j'ai trouvé dans ma cabane. Non, lisez. Ils ne savent pas lire. Voyez, le maudit s'accuse lui-même. On raconte comment je suis obligé à courir avec moi la moitié de la nuit pour que tout soit tiré au clair. Et tout ça sous la menace, d'ailleurs. Ce n'est pas bien de ta part, Hatzdak. Ta gueule, Chauvat, tu n'y comprends rien. Une ère nouvelle est arrivée qui va te passer sur le corps dans un grand fracas. Tu es foutu, on va liquider toute la police. Fuite. On va tout retourner, nous tout scruter, tout mettre au jour. Là, t'as intérêt à te déclarer toi-même pour ce que tu es. C'est que personne n'échappe au peuple. Allez, fais ton rapport. Dis-leur comment j'ai juré à travers la rue des Cordonniers. Par ignorance, j'ai laissé échapper la grande épouse, lapidez-moi mes frères. Comme ça, je pars à toute éventualité. Et qu'est-ce qu'ils t'ont répondu? Rue des Bouchers, ils l'ont consolé, rue des Cordonniers, j'étais mort de rire, c'est tout. Non, avec vous, c'est autre chose, vous, c'est de l'acier. Où est le juge, mes frères? Il faut qu'on instruise mon cas. Le voilà, le juge. Et arrête de nous donner du frère. On a l'oreille sensible ce soir. Le voilà, le juge. Ça, c'est une réponse qu'on n'avait jamais entendue en Géorgie. Jean de la Ville, où est son excellence? Monsieur le gouverneur? Voilà son excellence, étranger. Où est le collecteur général des impôts? Le prévôt recruteur? Le patriarche chef de la police? Le voilà. Et voilà tous! Frère, je n'en espérais pas moins de vous! Ta gueule! Qu'est-ce que tu espérais ou juste, farceur? Ce qui est arrivé en Perse, frère! Ce qui est arrivé en Perse! Et qu'est-ce qui est arrivé en Perse? Il y a 40 ans, pendus, tous! Vizir, collecteur d'impôts, mon grand-père y était! Un type formidable! 3 jours, ça a duré dans tout le pays! Et qui a pris le pouvoir quand le vizir a été pendu? Un paysan! Et qui a pris la tête de l'armée? Un soldat! Soldat! Et qui payait la solde? Un teinturier! C'était un teinturier qui payait la solde! Mais pas besoin de tisserand! Pourquoi tout cela est-il arrivé? Y a-t-il besoin d'une raison spéciale? Pourquoi est-ce que tu te grattes, frère? Ah! La guerre, la trop longue guerre, pas de justice! Tu vois la lueur rouge, là-bas? C'est dans le faubourg. Ce matin, quand le prince Kazbeki a fait couper la tête au gouverneur Abashvili, nos tisserands, là, ont attrapé le mal de Perse. Et ils se sont demandé si le prince Kazbeki ne dévorait pas trop de plats à la file. Et à midi, ils ont pendu le juge de la ville. Mais nous, on les a réduits en bouillie! 2 piastres par tisserand! Tu comprends? Je comprends. Attends. Tu vas voir ce que tu vas voir. Messieurs, je ne crois pas qu'il soit foncièrement mauvais. Quelques vols de poulet, peut-être un lièvre par-ci, par-là. T'es venu ici pour pêcher en eau trouble. Je ne sais pas pourquoi je suis venu ici. Qu'on chevit avec les tisserands. Mais qu'est-ce que c'est que ce teinturier qui payait la solde? Ça se passait en Perse. Qu'est-ce que t'as à t'accuser de ne pas avoir pendu le grand duc de tes propres mains? Je vous ai dit que je l'ai laissé filer. Je suis témoin, il l'a laissé filer. Non. Tiens, la voilà ton air nouvelle. Peut-on savoir ce qui vous rend si joyeux, mes amis? Avec votre permission, j'ai quelques mots sérieux à vous dire. Hier matin, les princes de Géorgie ont renversé le gouvernement belliqueux du Grand-Duc et ont renversé ses gouverneurs. Malheureusement, le Grand-Duc lui-même a pu s'échapper. Oh, c'est un historique de tissant, ces éternels fauteurs de troubles. Oh, et l'impudence de fomenter une insurrection et de pendre dans les juges de la ville, notre bien-aimé Hilo Oupeliani. Mes amis, ce dont nous avons besoin en Géorgie, c'est de paix, de paix, de paix et de justice. Je vous amène mon neveu, le cher Bizergan Kazbeki, un garçon capable, ce sera lui le nouveau juge. Et comme je dis au peuple de décider. Ça veut dire que c'est nous qui allons élire le juge. Exactement. Le peuple va mettre en place un garçon capable. Consultez-vous, mes amis. Ne t'inquiète pas, mon petit renard, c'est dans la poche. Une fois le Grand-Duc liquidé, nous n'aurons plus besoin de lécher le cul à cet accueil. Ils chient dans leur fac, parce qu'ils n'ont pas encore passé le Grand-Duc. Et s'ils ne l'ont pas, c'est bien grâce à cet écrivain de village qu'il a laissé filer. Ça ne peut très rassurer, il nous donne du cher ami au peuple de décider. Nous voilà qui parle de justice en Géorgie maintenant. Bah, mais blague pour blague, on va faire une bonne blague. On va demander son avis à cet écrivain de village. Question justice, il s'y connaît. Et toi, Fripouille? Moi, vous voulez dire? Tu voudrais du neveu pour juge? C'est à moi que vous demandez ça, c'est pas à moi que vous demandez ça. Ou bien... N'importe quoi pourvu qu'on rigole. Si je comprends bien, vous voulez qu'on l'examine au peigne ultra fin, c'est ça? Vous auriez pas un criminel sous la main pour que le candidat nous montre sa compétence, mais alors un fin finot comme criminel? Oh non, bah les deux médecins de cette ordure de gouverneur, on a qu'à les prendre. Ah non, Altena, ça va pas. Vous pouvez pas prendre de vrais criminels tant que le juge n'a pas été nommé officiellement. Il peut très bien être un faux, mais ça doit être un faux officialisé. Sans quoi le droit est blessé, et c'est un être extrêmement susceptible. Pour rendre une sentence, mieux vaut encore une robe et une toque sans homme dessous qu'un homme sans robe ni toque. Parce que si on n'y prend pas garde, le droit vous file comme rien entre les pas. Alors qu'est-ce que tu proposes, enculeur de mouche? Mais je vais vous faire l'accuser. Moi, j'ai déjà quelqu'un en vue. Toi, moi. Qu'avez-vous décidé? On a décidé de faire passer un examen. Notre cher ami jouera l'accusé. Et voilà le fauteuil du juge pour votre candidat. C'est original. Mais pourquoi pas? Une simple formalité, mon petit renard. Qu'est-ce qu'on t'a appris? Comment gagne-t-on? En courant vite ou en courant lentement? En filant doux, oncle Arsène. Quelqu'un me connaît-il ici? Je suis le Grand-Duc. Qui ça? Le Grand-Duc. Je connais personnellement, c'est vrai. Ah bon? Allons-y, les débats. Bruit court. Suis accusé, déclenchement, guerre, ridicule. Je dis bien ridicule. C'est suffisant? C'est pas suffisant? Et amener avocat. Hein. 500 environ. Besoin tous les sièges disponibles dans la salle pour mes avocats. Ouais. Souhaitez-vous que je prenne en main cette affaire, j'avoue que je la trouve pour le moins inhabituelle du point de vue de la bienséance, je veux dire. Mais vas-y! Enfonce-le, petit renard! Très bien. Peuple de Géorgie contre Grand-Duc. Accusé, qu'avez-vous à dire pour votre défense? Beaucoup. Guerre perdue et appris la nouvelle, naturellement. Déclaration de guerre faite par moi, à l'époque, sur conseil grand patriote comme oncle Kazbeki. Réclame oncle Kazbeki comme témoin. Demande rejetée. Un fameux rigolo. Naturellement, vous ne pouvez pas être inculpé pour avoir déclaré la guerre, chose que tout souverain doit faire de temps à autre, mais pour l'avoir mal conduite. Idiot, ne l'ai pas conduite. Les faites conduire par les princes qui l'ont bousillé, enfin naturellement. Irez-vous jusqu'à nier avoir eu le commandement suprême? Pas du tout, et toujours eu le commandement suprême. Sitôt né, engueulé, ma nourrice, dressé à congédier ma merde au cabinet, habitué à commander, toujours commander. Fonctionnaire, barboté dans ma caisse, officier fouette soldat à mon commandement, propriétaire couche avec femme de paysan à mon commandement. Ah. Oncle Kasbiki, pas de ventre, si moi pas commandé. Il est formidable. Vive le grand duc. Réponds-lui, petit renard, je suis avec toi. Je vais lui répondre, et conformément à la dignité du tribunal, accusé, veuillez respecter la dignité du tribunal. Mais d'accord, mais vous commandez poursuivre interrogatoire. Vous n'avez rien à me commander. Donc, prétendez que Prince vous ont forcé à déclarer guerre, comment prétendre alors que Prince aurait bousillé guerre? Envoyez à ces dames détourner fonds publics, fournir chevaux malades, saoulés au bordel pendant l'attaque, cite oncle Kasbiki comme témoin. Oh. Auriez-vous l'intention de soutenir la monstrueuse affirmation selon laquelle les princes de ce pays ne se sont pas battus? Non, pas se sont battus, se sont battus pour contre la fourniture de guerre. Oh. On est trop le gaillard pour le commatissera. Et moi, il seulement dit la vérité. Salopotin, salopotin. Mais calme. Continue, attends. Silence! Vais maintenant proclamer sentence! Devez être pendu! Par le coup, avez perdu la guerre! Sentence prononcée, irrévocable! Qu'on l'emmène! Qu'on l'emmène! Je ne vous conseille sérieusement pas tomber en public dans langage haché déchiqueté! Impossible de vous utiliser comme chien de garde si vous hurlez comme loup! Pigez! Si j'en s'aperçoive que Prince parle même langage que Grand-Duc, finiront par pendre Grand-Duc et Prince tous ensemble. D'ailleurs, casse, jugement, motif guerre perdue. Mais pas pour Prince. Prince ont gagné guerre. Ont touché 8 240 000 piastres pour chevaux pas livrés. 3 240 000 piastres pour approvisionnement soldats pas fournis. Donc vainqueur, guerre perdue seulement par Géorgie. Géorgie, pas présente en tant que telle devant ce tribunal. Je crois que ça suffit, mes chers amis. Tu peux le retirer. J'y vais de potence. Je pense, mes amis, que maintenant, vous pouvez entériner la nomination du nouveau juge. Nous pouvons, oui, décrocher la robe du juge. Et maintenant, fous le camp, toi ! Garde ! Que le juge siège ! Allons juste cul ! Toi, avance ! Et viens occuper le fauteuil du juge. Ah, non, non. Vas-y, mon vieux, monte t'asseoir. Depuis toujours, le juge était une fripouille. C'est pas maintenant autour d'une fripouille d'être juge. Regardez-moi ça! Le bon juge! Et voilà que la guerre civile régnait dans le pays et la peur dans le cœur des puissants. Et voilà qu'Alzac fut fait juge par les gardes noirs. Et voilà qu'Alzac fut juge pour 2 ans. Lorsque les grands feux brûlèrent dans le sang baignait la terre, des bas-fonds sortaient punais et camps. Un boucher gardait le trône, un sang-dieu gardait l'icône, et dans sa robe de juge siège Alzac. Bon, à raison de l'afflux des litiges, la cour examinera aujourd'hui les affaires à raison de 2 à la fois. Avant de commencer, une brève communication. Je n'ai pas de préjugés. Je me réserve le droit de prendre des sanctions contre telle des parties présentes pour outrage à la cour. Bon, toi, tu es médecin, toi, dans ton fauteuil, tu l'accuses, le médecin est-il responsable de ton état? Ah ben, je comprends, j'ai été frappé d'apoplexie par ta faute. Un cas de négligence professionnelle? Plus qu'une négligence. J'ai emprunté de l'argent à cet individu pour son étude. Il ne m'a jamais remboursé un sou. Et quand j'ai appris qu'il soignait des patients gratis, j'ai eu une attaque d'apoplexie. Oui, ça y avait de quoi. Hein. Et toi, qu'est-ce qui t'amène? Je suis le patient, votre grâce. Il a dû soigner ta jambe? Pas la bonne. Le rhumatisme, je l'avais à la jambe droite, mais c'est la gauche qui l'a opéré. C'est pour ça que je boite maintenant. Et c'était gratis ? Gratis ? Une opération de 500 piastres pour rien, pour un Dieu vous le rendra. Et dire que j'ai payé cette étude à cet individu, mais c'est ça qu'on t'a appris à l'école à opérer pour rien. À votre grâce, il est d'usage en effet de percevoir les honoraires avant l'opération, vu que le patient est mieux disposé à payer avant l'opération qu'après. C'est humain. Dans le cas qui nous occupe, j'ai cru, au moment de procéder à l'opération, que mon aide avait déjà perçu les honoraires. Ce en quoi je me trompais. Il se trompait. Un bon médecin ne se trompe pas. Il ausculte avant d'opérer. Oui, ça, c'est vrai. De quoi s'agit-il dans l'autre affaire, monsieur l'accusateur public? Chantage! Plaise à la cour! Je suis innocent! J'ai simplement voulu m'informer auprès du propriétaire en question s'il avait effectivement violé sa nièce. Fort aimablement, il m'a déclaré que non. Et s'il m'a donné de l'argent, c'est uniquement pour que je puisse payer à mon oncle les leçons de musique. Toi, au contraire, docteur, tu n'as aucune circonstance atténuante à alléguer, n'est-ce pas? Tout au plus, errare humanum est. Un bon médecin a le sens de ses responsabilités en ce qui concerne les questions d'argent. Ça, tu le sais bien. Moi, je connais un médecin qui a tiré 1000 piastres d'un doigt foulé en subodorant que cela relevait d'une mauvaise circulation sanguine, chose qui aurait sans doute échappé à un médecin moins doué. Et une autre fois, grâce à un traitement méthodique, il a transformé en mine d'or une vésicule biliaire, mais tout ce qui est plus ordinaire. Un médecin, tu n'as pas d'excuse. Ouchou, le marchand de grains, a envoyé son fils à la faculté de médecine pour y apprendre le commerce. Non, mais c'est dire la qualité de notre enseignement médical. Comment s'appelle le propriétaire? Il désire que son nom ne soit pas prononcé. Oh, alors je proclame les sentences. Aux yeux de la cour, le chantage est avéré. Toi, dans ton fauteuil, tu es condamné à 1000 piastres d'amende. Si tu as une seconde attaque, d'applaudir. Si tu as une autre attaque, le médecin devra te soigner gratis. Et éventuellement, t'amputer. Gratis! Toi, je t'accorde à titre de dédommagement un flacon d'eau de vie. Toi, tu verseras la moitié de ton gain à monsieur l'accusateur public, pour la raison que le tribunal ne prononce pas le nom du propriétaire. Et en outre, il t'est fortement conseillé d'étudier la médecine. Car toi, mais tu as une vocation de médecin. Et toi, le médecin, pour erreur impardonnable dans ta spécialité, tu es acquitté. Allez, aux affaires suivantes. L'indulgence, ça se paye, et ce qui coûte cher effraie, car pour nous, le droit est un mystère opaque. Il faut qu'une forte caboche qui rame les poches, qui cloche, c'est ce qu'il nous offre pour 3 sous. Hasta! Oui, ben mettez-le ici, hein, comme ça au moins on a de l'air. Et un peu de cette petite brise qui vient des citronniers, là-bas. C'est bon pour la justice, si on fait ça en plein air, le vent lui remonte ses robes et on peut voir ses 2 sous. Oui, ben nous avons trop mangé, Chauvin. Ces tournées d'inspection sont éreintantes. Ah ben, mais moi, j'ai fait une chaîne. Alors, il s'agit de ta belle-fille. Votre grâce, il s'agit de l'honneur de ma famille. Je porte plainte en lieu et pour ce mon fils qui est parti braffer de l'autre côté de la montagne. Voici le valet, copain. Et voici ma belle-fille. Je n'ai pas de préjugés. Ah, formalité accomplie, bon. Il s'agit d'un viol. Votre grâce, j'ai pris le garde à l'écurie jusqu'à me renverser notre Ludovica dans la paille. Très bon endroit, l'écurie. Alors, des chevaux magnifiques. Il y a en particulier un petit alezan qui m'a beaucoup plu. Bah, hé, naturellement, en lieu et place de mon fils, j'ai aussitôt confessé Ludovica. J'ai dit, il m'a beaucoup plu. Ah bon, vraiment? Hey, Ludovica m'a avoué que le valet l'avait prise contre son gré. Retire ton voile, Ludovica. Ludovica, tu plais à la cour. On raconte comment c'est arrivé. Comme je pénétrais dans l'écurie pour voir le nouveau poulain, le valet me dit tout à trac. Il fait chaud aujourd'hui et il pose sa main sur mon sein gauche. Moi, je lui dis, ne fais pas ça. Mais lui continue à me palper de façon immorale, en sorte que la colère m'est venue. Avant que j'aie pu percer un jour ses intentions coupables, il m'avait approché de trop près. C'était chose faite lorsque mon beau-père est entré. Se méprenant sur mon compte, m'a bourré de coups de... pied. En lieu et place de mon fils. Bon, tu reconnais que c'est toi qui as commencé? Oui. Ludovica, aimes-tu les sucreries? Oui. Les graines de tournesol. Aimes-tu rester longtemps dans l'eau du bain? Une demi-heure? Quelque chose comme ça? Monsieur l'accusateur public va poser ton couteau par terre, là-bas. Ludovica va ramasser le couteau de l'accusateur public. La partie coupable est découverte, le viol est démontré. J'étais servi de son amour pour les sucreries, de son goût pour les séjours prolongés dans l'eau tiède, de sa langueur, de sa peau trop douce pour violer ce malheureux garçon. Crois-tu pouvoir échapper à la justice avec un derrière pareil? Le tribunal n'est pas dupe. Il s'agit d'une agression préméditée au moyen d'une arme dangereuse. Tu es condamné à livrer à la cour le petit alezan que ton beau-père a coutume de monter en lieu et place de son fils. Et maintenant, viens avec moi dans l'écurie, Ludovica, pour que la cour puisse examiner le lieu du crime. Par le pays en rupture, falsifiant poids et mesure, il promène son droit pipé, le juge Axac. Il détrousse les notables pour donner à ses semblables, et avec lui c'est tout que qu'elle profite. L'arnaque, protégé par la racaille, aussi bon qu'il est canaille, il va par la Géorgie, le juge Axac. Va voir ton voisin et sache qu'avec une bonne hache, tu t'en sors mieux qu'avec du préchis. Préchac, pourquoi ces mots qu'on rabâche quand fait miracle une hache et qu'au miracle il y croit, le juge Axac. La parole est à monsieur l'accusateur public. Il s'agit d'une vache. L'accusé a depuis 5 semaines dans son étable une vache qui appartient au gros propriétaire Sous. En outre, elle a été trouvée en possession d'un jambon volé. Et on a tué des vaches au gros propriétaire Choutef, alors qu'il mettait l'accusé en demeure de payer le fermage d'un champ. Et c'est une autre jambon, mon gars. Je dis, vache, votre gars. C'est non, ça. Bon, ben, qu'as-tu à répondre, petite mère? Il y a 5 semaines, votre grâce, une nuit un peu avant l'aube, on a frappé à ma porte. Et dehors, il y avait un homme barbu avec une vache. Et il disait, « Ma brave femme, je suis Saint Banditus, le faiseur de miracles. Et comme ton fils est mort à la guerre, je t'amène cette vache en souvenir. Soigne-la bien. » Miracle brigand, votre grâce. Ton propre beau-frère, votre grâce. Le voleur de bétail, l'incendiaire. Vous lui coupez la tête. Monsieur l'accusateur public, appuyez de vin, là, pour notre hôte. Qui es-tu? Je suis un ermite. Baladeur. Votre grâce et merci. L'aumône. Au courant. Moi, je suis Axac. La cour souhaite la bienvenue à l'ermite étranger. Suite de l'histoire, petite mère. Votre grâce, la première nuit, je ne savais pas encore que Saint Banditus pouvait faire des miracles. Il y avait seulement la vache. Mais quelques jours après, les valets du propriétaire sont venus pendant la nuit et ils voulaient me reprendre la vache. Et voilà que devant ma porte, ils ont fait 2000 tours et sont repartis sans la vache. Et sur la tête, il leur a poussé des bosses, grosses comme le poing. Alors j'ai su que Saint Banditus avait transformé leur cœur et les avait changés en braves gens. Mais c'est ce qui nous a transformés. C'est bon, tu nous diras ça plus tard. Continue. Votre grâce, le second à devenir un brave homme, ça a été le propriétaire Choutef, un vrai démon, c'est connu. Mais Saint Banditus a réussi à faire qu'il me dispense de payer le fermage de mon petit chat. Parce que vous m'avez tué mes vaches, vous m'avez tué. Et puis, un beau matin, voilà que le jambon est entré en volant par la fenêtre. Il m'a tapé dans les reins. Tenez, j'emboîte encore votre... Je vous le demande, votre grâce. Quand a-t-on jamais apporté un jambon à une pauvre vieille, à moins d'un miracle? Petite mère, voilà une question qui va droit au cœur du tribunal.